des tours comme des corps. Sur les immondices y'a ton trône, sache qu'on prône la violence en face du contrôle des ports. Trop de paradoxes sous nos chapeaux, pour ta fée ça ressemble plus à un cimetière qu'au château de la fée Carabosse. Ça se dessine, les petits tréteaux s'engagent, on se comprend pas avec les keufs comme si on se parlait en langage des signes. Ici les conneries s'amassent, Sarko veut la paix mais personne ne l'a fait, si je te parle c'est avec mon famas. Évite ton baratin, on vit d'arnaque, ici fais pas le mac ou tu vas finir dans un baratin. Je vis dedans papy, et les dés sont pipés, les rapports compliqués, et je veux pas ton regard d'empathie. Trop de soulards dans l'entourage, trop d'enjeux, alors ferme ta bouche ou tu vas goûter au jeu du foulard. Voilà ce à quoi nos vies ressemblent, à l'apparence d'un joli 12 ans d'âge avec un sacré goût de cendre. On traîne les clichés comme des poulets à Nocheville, rappelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros tenage. On traîne les clichés comme des poulets à Nocheville. On traîne les clichés comme des poulets à nos chevilles. J'ai pris les défauts d'un gars d'en bas. On traîne les clichés comme des poulets à nos chevilles. Rappelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard. On veut tous prendre du poids, c'est vrai. Vu que nos chances sont minces, on frappe à l'enfer, ouais. Avec des chances, on a un talent dans la bouche, un texte, une bouteille à la mer. Un talent dans la boue, à force de goûter à la merde. Ça fait un bail compion, c'est vrai que ça baille trop. Nos trophées sont minces et se résument à un bac trop. Le vice attire comme une fille avec son corps de rêve. On marche sur un fil pour les chanceux sur une corde raide. Le diable en moi, non, on fait un pacte avec des anges. Un stylo, une feuille, c'est vrai, je rappe avec aisance. Les ailes plombées, on donne un peu d'or à nos feuilles. Au passage, j'en place une au cop de Boulogne à Hauteuil. On sait que c'est un but, ouais c'est vrai, sans trop y arriver. En y pensant, on passe notre temps à rêver. Petit c'est vrai qu'on traitait tous les grandes fumées. Désormais dur d'y voir clair à travers tous ces écrans de fumée. Squattons nos halls, un cabé d'Aboubi grave. Si t'es victime tu finis comme une épave. Tu peux finir aussi cadavre dans une cave. Dans le stup c'est ça ta vie. Dans le din c'est haram, fin d'ahnama. Oublie ta djela, face tu persistes tu crames. De rétame que Dieu est ton âme. Mais moi faut que j'évite les flammes. Moi je laisse qui doute, illicite comme un kibbutz. J'annexe le monde du rap, de Boulogne à Djibouti. De la bouteille c'est pas vendu comme Malek Bouti. Pour quelques broutis, Woody. On traîne les clichés comme des poulets à nos chevilles. Rappelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard. On traîne les clichés comme des poulets à nos chevilles. On traîne les clichés comme des poulets à nos chevilles. Rappelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard. On traîne les clichés comme des poulets à nos chevilles. On traîne les clichés comme des poulets à nos chevilles. J'ai pris les défauts d'un gars d'en bas. On traîne les clichés comme des poulets à nos chevilles. Rappelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard. Dans le rap, j'suis pas un acteur, j'suis pas dans le paramount. J'écris souvent avec le cœur, mais rarement par amour. Dans nos rangs, t'apprends à gérer le tout et le rien. Surtout t'as fait le moment présent, et elle me l'a dit, demain c'est loin. Alors oui, je charbonne, ce soit honnête ou bien sale pour mettre à guise la daronne. Mais il ne faut pas qu'elle le sache. Je fais pas terre avec un autre réfractaire pour avoir d'or. C'est ça nos vies, on traîne dehors. Tu me trahis, c'est peine de mort. J'ai l'attitude d'un rebelle, l'habitude des regrets. La mère, tu m'entendais, j'ai le bitume pour repère. Mon vécu est un scénar où j'ai toujours le même rôle. Dans toutes les fins, je me prends une balle, donc je collectionne les rouges. Je mène ma vie comme je l'entends, comme dirait Jacques. Bouteille à la main, je suis dans ma ville avec mes frappes. Dans le pleura, primérément guise de cortège. Lyrics corsé, ne pas confondre avec du solfège. On traîne les clichés comme des poulets à nos chevilles. Rappelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard. On traîne les clichés comme des poulets à nos chevilles. On traîne les clichés comme des poulets à nos chevilles. J'ai pris les défauts d'un gars d'en bas. On traîne les clichés comme des poulets à nos chevilles. Rappelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard.